tout de suite, voici Guillermo. Voilà. Ça va les amigos? Ouais. Et ça y est. Quoi? Quoi, t'as fait Fort Boyard, t'as ramené une clé? Non, pas du tout. Non, ça y est. Ouais. Je suis vacciné. Mais super. Mais bien. Il est des nôtres. Il a reçu une dose de vaccin Moderna à Bruxelles hier après-midi dans le bras gauche. Il est relativement content parce qu'il avait un peu peur du Covid comme les autres. Et il était temps. Et ce vaccin, la dernière fois que j'ai attendu un truc aussi impatiemment, c'était mon dépucelage en 2017. Et Leïla m'avait gâché la fête en mode je peux pas rester, j'ai mon cours d'accord Toltec. J'avais fini seul dans la caravane, en plein Poitiers, tu parles d'un souvenir, pire 4 minutes de ma vie. Et on me reprendra plus. Hein. Moi, là, j'ai marqué le coup pour mon vaccin. Et j'ai ramené du mousseux. Ils m'ont piqué, j'ai sorti un baf. Direct, j'ai mis du reggaeton, enfin un pot. Franchement, et dans l'ambiance, j'essaie de gratter une deuxième dose. J'ai dit au médecin les gars, je suis là, vous êtes là, vas-y, mettez-moi la petite sœur, tu vois. Ils m'ont dit non, si on te met. Si... Ah ouais. Ils m'ont dit si on te met une deuxième dose, tu pourras pas assurer sur Inter demain et nous, le personnel médical, on tient grâce à toi. C'est fou, moi je savais pas à quel point j'étais important dans la lutte contre le Covid. Moi je me disais, oui, bien sûr, je suis une sorte de guide. Oui, les gens m'envoient des poches de sang pour que je le bénisse, mais au fond de soi, on ne sait jamais. Mon blague à part, j'étais quand même un peu tendu en y allant. Le dernier vaccin que j'ai fait dans ma vie, c'était le typhus avant d'aller au Luxembourg. Eh bien, j'avais une raideur dans ce gag. J'ai eu peur d'avoir le même effet secondaire. Je me suis dit, si en plus j'ai mal au bras, je pourrais même pas. Enfin, tu vois. C'était scary quoi. Non. Donc hier, j'arrive dans la cabine, hein, j'étais un peu anxieux et la dame elle, qui me vaccine elle fait non, Ernesto, fils du rouleau de printemps. Je vous promets, je sentais qu'elle était troublée, je lui dis vous m'injectez quoi? Elle m'a dit ah, tu peux pas comprendre. Ça m'a rassuré, franchement. Sauf qu'apparemment, la première dose, ça te protège pas vraiment. Hein. T'es plus immunisé quand tu bois du Fanta, je crois. La pré-immunité, ça vient plus tard, genre 160 jours après la 7e dose. C'est seulement à ce moment-là que tu peux canner ton pangolin sans préservatif. Je le dis pour Daniel, il me croit pas. À chaque fois qu'il va à Beauval, il dit non, il peut rien m'arriver, j'ai eu deux doses, tête. Faut écouter France Info, Daniel, hein. Et déjà laisser cette bête tranquille, elle ose rien dire à cause de votre voix grave, mais ça la met en porte-à-faux par rapport aux autres gens dans son enclos. Du coup. Moi, je suis pas encore immunisé. Par contre, théoriquement, j'ai déjà la puce 5G. Je suis trop content, il y a l'Euro qui démarre vendredi, je vais regarder la Belgique en 4K. Eh, c'est l'idéal, hein. Dans le centre de vaccination, il y avait une borne, j'ai testé, ma puce, elle marche mieux que le Bluetooth. C'est trop bien. En plus, j'ai demandé qu'on me vaccine dans le poignet, tu vois, je trouve que c'est plus facile pour parler à Bill Gates. Hey Bill, tomorrow I'm going to France Inter. Il me fait I know, no problem, no problem. Genre ce matin, j'étais sur le pot, je lui fais Bill, I'm sorry for the noise. Il me fait no problem, no problem. C'est fou, Bill, depuis qu'il doit contrôler le monde, il parle comme le sergent Garcia, tu vois, tout pour brouiller les pistes. Mais ça me rassure de savoir que Bill est toujours un peu avec moi. Genre imagine une nuit, t'es dans l'esprit mode d'avant, 19 vodka, 6 shots d'hydromel, tu te réveilles dans un terrain vague, t'as perdu ton téléphone, t'es là. Typique, tu le fais Bill, where I am? Et c'est réglé, hein. Bill, c'est le nouveau Siri, je te le dis franchement. S'il est occupé, tu le fais let me speak to Juliette Binoche. Et on sera tous bien contents d'avoir cette puce. Franchement, je me sens déjà mieux. Sur le net, ils disent que tous les gens vaccinés seront morts d'ici 3 ans et demi. Ouais. Mazel tov, si je peux tenir encore 3 ans et demi, c'est inespéré. Pour moi, c'est durable. Et c'est comme à la cantoche, moi, je m'étais donné 27 jours d'espérance de vie. Ils sont trop forts, les effets secondaires du vaccin. Il paraît que ça te rend magnétique en plus. Ouais. Que tu viens aimanté avec le vaccin. Oh, Mazel tov, là aussi, en sortant d'ici, direct, je passe devant un parc-mètre. Franchement, je récupère les pièces. Et ouais. En plus, t'es immunisé, tu peux te faire un sou, c'est formidable. Il est trop bien ce vaccin, je vous le dis, les effets secondaires, ça va. Hier, j'ai juste perdu un doigt, mon préféré. Mais ça, limite, j'irai dans mon nez avec un crayon. Mais... Bon, vivement la deuxième dose. Allez, bonne émission, les amis. Hey, Guillaume.